sont fiers. J'ai vécu des jours bien malheureux, couverts de plaies, creusés par le sel. J'ai vu mes assauts devenir peureux, mes certitudes se vider de leur sens. J'ai vu l'amour devenir souffrance. J'ai vu ce qui ne sera jamais que la douleur de la lucidité. J'ai attendu des jours meilleurs. La chaleur devait redonner vie à toutes ces choses pleines de saveur. Mais l'amour c'est tout sans nostalgie. J'ai attendu. Saveur, mais l'amour c'est tout sans nostalgie. J'ai attendu.